Section 13 de L'Ève future par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. Penser aux eaux. Adieu, jusqu'à l'aurore du jour en qui j'ai foi, du jour qui doit encore me réunir à toi. Musique de Schubert. L'instant d'après, Lord Evald rentrait dans le laboratoire, ramenant ainsi, par la taille, Adalie chancelante et dont la tête grave, pâle et comme évanouie, était demeurée appuyée sur l'épaule de son compagnon. Edison était debout, les bras croisés, devant un long et splendide cercueil d'ébène, grand ouvert, à deux battants, capitonné de satin noir et dont l'intérieur moulait exactement une forme féminine. On eût dit le perfectionnement, dû à notre ère, d'un cercueil égyptien, digne de l'hypogée d'une Cléopâtre. À droite et à gauche, dans les parois creusées, une douzaine de rubans d'étain galvanisés, pareils à des papyrus funèbres, un manuscrit, la baguette de verre et d'autres objets étaient rangés. Edison, appuyé à la roue étincelante d'une énorme machine à tonnerre, regardait fixement Lord Evald qui s'avançait vers lui. « Ami, » dit celui-ci, pendant que l'Andréide, comme revenue à elle-même, demeurait immobile. « Adalie est un présent qu'un demi-dieu seul pouvait offrir. Jamais, dans les bazars de Bagdad, ni de Cordoue, pareil esclave ne fut montré au calife. Jamais, enchanteur, ne suscita pareille vision. Jamais Scheherazade n'eût osé l'imaginer dans ses mille et une nuits, de peur d'éveiller le doute dans l'esprit du sultan Shahriar. Aucun trésor ne pourrait acheter ce chef-d'œuvre. Si, il m'a transporté d'un mouvement de colère, l'admiration m'a vaincu. L'acceptez-vous ? Demanda l'électricien. Je serais un insensé, vraiment, si je refusais. Quitte, dit Edison, gravement et en lui tendant les mains, que Lord Evald pressa de même. Soupez-vous avec moi, l'un et l'autre, comme la dernière fois, continua-t-il en souriant. Si vous voulez, nous recommencerons la conversation de l'autre soir. Vous verrez que les réponses de Adalie seront différentes de celles de son modèle. Non, dit Lord Evald, j'ai hâte d'être le prisonnier de cette énigme sublime. Adieu, Miss Adalie, dit Edison. Vous souviendrez-vous, là-bas, de votre chambre souterraine, où nous causions, parfois, de celui qui devait vous éveiller à notre pâle existence de vivant ? « Oh, mon cher Edison, » répondit l'Andréide en s'inclinant devant l'électricien, « ma ressemblance avec les mortels n'ira jamais jusqu'à oublier mon Créateur. »« À propos, et la vivante ?» demanda Edison. Lord Evald tressaillit. « Ma foi, » dit-il, « je l'avais oubliée. » Edison le regarda. « Elle sort d'ici, dans une assez méchante humeur même. » À peine étiez-vous en promenade qu'elle est survenue, bien réveillée de toute influence, et que son flux de paroles m'a mis dans l'impossibilité d'entendre un mot de ce que vous vous êtes dit, sans doute, en ce parc. Cependant, j'avais disposé des appareils nouveaux pour... enfin, je vois que, même livrée à sa seule nature, Adalie, dès le premier instant de sa vie, s'est montrée digne de ce qu'en attendent les siècles futurs. Je n'en étais pas inquiet d'ailleurs, s'il faut tout dire. Quant à celle qui, pour vous du moins, vient de mourir en elle, Miss Alicia Clary m'a notifié tout à l'heure, fort et ferme, qu'elle renonçait à ses nouveaux rôles dont elle ne pouvait retenir la prose inintelligible et dont les longueurs lui ossifiaient le cerveau. Son modeste vœu, désormais, tout bien réfléchi, était de débuter, tout bonnement, en des opéras comiques de son répertoire. Leur succès, bien assis déjà, lui assurait mieux l'attention des gens de goût. Quant à sa statue, votre départ de Menlo Park étant, disait-elle, fixé à demain matin, je n'aurai qu'à la lui expédier à Londres. Elle a même ajouté que, relativement à mes honoraires, je pouvais vous demander le prix fort, attendu qu'elle savait qu'on ne doit pas marchander avec les artistes. Sur quoi, Miss Alicia Clary m'a dit adieu, me priant de vous avertir, au cas où vous me feriez une visite, qu'elle vous attendait là-bas pour les arrangements. Donc, une fois à Londres, vous n'aurez plus, mon cher Lord, qu'elle a laissé suivre en paix sa carrière. Une lettre accompagnée d'un don princier lui annoncera votre rupture, et tout sera dit. Qu'est-ce qu'une maîtresse? Un ceinturon et un mantelet, a écrit Swift. C'était mon projet, dit Lorévald. Adalie, soulevant doucement sa tête sur l'épaule de Lorévald, murmura, d'une voix faible et pure, en un mystérieux sourire, en montrant l'électricien. Il viendra, n'est-ce pas, à Athelwold, nous voir. Le jeune Anglais, à cette naturelle parole, ayant réprimé un nouveau mouvement d'admirative stupeur, répondit simplement d'un signe affirmatif. Chose singulière, c'était Edison qui avait tressailli à ce mot et qui regardait Adalie fixement. Il se frappa le front tout à coup, sourit, se baissa très vite et, après avoir écarté le bas de la robe de l'Andréide, appuya les doigts sur les deux talons des bottines bleues. « Qu'est-ce ? » demanda Edison. « Je désenchaîne Adalie, » répondit Edison. « Je l'isole, en un mot, puisqu'elle n'appartient plus qu'à vous. À l'avenir, ce seront les bagues seules et le collier qui l'animeront. Le manuscrit vous donnera, sur ce point, les détails les plus précis, les plus explicites. Vous comprendrez bien vite de quelles infinies complexités vous pourrez approfondir les 60 heures gravées en elle. C'est le jeu des échecs, c'est sans limite, comme une femme. Elle a aussi les deux autres types féminins suprêmes et dont les subdivisions s'obtiennent très facilement, en mêlant leur dualité, ce qui devient alors irrésistible. « Mon cher Edison, dit Lorévald, je crois que Adalie est un très véritable fantôme, et je ne tiens plus à me rendre compte du mystère qui l'anime. J'oublierai même, je l'espère, le peu que vous m'en avez appris. » Adalie, à ces mots, pressa comme avec tendresse la main du jeune seigneur, et, se penchant à son oreille, lui dit très bas et très vite, pendant que l'électricien se tenait baissé à ses pieds. « Ne lui parle pas de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est pour toi seul. » Edison se releva, tenant à la main deux petits boutons de cuivre dévissés auxquels attenaient deux fils de métal d'une ténuité si extrême que leur prolongement, enduit d'une matière isolante, s'était jusqu'alors perdu, invisible à la suite de l'Andréide. Ses inducteurs s'étaient confondus avec le plancher, le sol, les fourrures sur lesquelles avait passé Adalie. Sans doute, ils étaient reliés quelque part, au loin, à des générateurs inconnus. L'Andréide, alors, sembla frémir de tous ses membres. Edison toucha le fermoir du collier. « Aidez-moi, » dit-elle. Et, s'appuyant d'une main à l'épaule de Lorévald, elle entra, souriante, dans le beau cercueil, avec une sorte de grâce ténébreuse. Puis, ayant ramené autour d'elle ses longs cheveux ondés, elle s'y étendit doucement. Ayant ensuite passé à l'entour de son front le lourd bandeau de batiste qui devait retenir sa tête et préserver strictement son visage de tous les contacts avec les parois de cette couche, elle agrafa, très serrée autour de son corps, de larges liens de soie qui l'assujettirent de manière à ce qu'aucun heurt ne la fît bouger. « Ami, » dit-elle, en croisant alors les mains, « tu éveilleras la dormeuse après la traversée. D'ici là, nous nous reverrons dans les mondes du sommeil. » Elle ferma les yeux, comme endormie. Les deux battants se joignirent, doucement, hermétiquement, sans aucun bruit, au-dessus d'elle. Une plaque d'argent, incrustée d'armoiries, était fixée sur le cercueil, au-dessus du mot « Adalie », inscrit en caractères orientaux. « Le sarcophage, reprit Edison, sera placé tout à l'heure, ainsi que je vous l'ai dit, en une vaste caisse carrée, au couvercle bombé, dont l'intérieur est comblé d'une ouate épaisse et fortement pressée. Cette précaution n'est prise que pour éviter en voyage, aux passants, des réflexions quelconques. Voici la clé du cercueil et l'invisible serrure qui permet au ressort de se détendre. » Et il indiqua, sous le chevet de Adalie, une petite étoile noire, imperceptible. « Maintenant, ajouta-t-il en offrant un siège à Lorévald, un verre de Xérès, n'est-ce pas? Nous avons encore quelques paroles à nous dire. » Et, appuyant sur un bouton de cristal, Edison fit flamboyer les lampes qui, en mêlant leur lumière à la lumière oxydrique, produisait l'effet du grand soleil. Puis, il envoya s'allumer le phare rouge au-dessus du laboratoire et les rideaux, une fois retombés, revint vers son hôte. Sur un guéridon brillaient des verres vénitiens et un flacon de vin paillé. « Je bois à l'impossible, » dit l'électricien avec un grave sourire. Le jeune lord toucha de son verre le verre d'Edison en signe d'acquiescement. L'instant d'après, ils étaient assis en face l'un de l'autre. Chapitre 13. Explication rapide. Il y a plus de choses au ciel et sur la terre, Horatio, que n'en contient toute votre philosophie. Shakespeare. Hamlet. Après un assez long moment de pensée muette. « Voici la seule question que je voudrais vous adresser, » reprit le Révald. « Vous m'avez parlé d'un aide féminin, d'une personne nommée Mistress Enisowana, qui, paraît-il, a modelé en effet, mesuré, calqué, membre à membre, pendant les premiers jours, notre ennuyée vivante. D'après les dires d'Alicia, ce serait une femme très pâle, entre deux âges, peu parleuse, toujours en deuil, ayant dû être fort belle. » Ses yeux sont constamment presque fermés, au point que la couleur en demeure inconnue. Cependant, elle y voit clair. Et Miss Alicia Clary ajoute que, dans l'espace d'une demi-heure, sur cette estrade, la mystérieuse statuaire la pétrit des pieds à la tête, silencieusement, ainsi qu'une masseuse de bain russe. Elle ne s'arrêtait à des instants que pour crayonner des chiffres et des lignes sur des feuilles de papier qu'elle vous offrait très vite. Tout ceci, tandis qu'un long rayon de flamme, dirigé sur la nudité de la patiente, semblait suivre les mains glaciales de l'artiste, comme si celle-ci eût dessiné avec de la lumière. « Eh bien ?» demanda Edison. « Eh bien, » répondit le Révald, « si j'en juge par la première et si lointaine voix de Adali, ce doit être un être bien merveilleux que cette mistresse Enisowana. Allons, dit Edison, je vois que vous avez réfléchi tous les soirs dans votre cottage et que vous avez essayé de vous expliquer l'œuvre par vous-même. Bien, vous en devinez quelque peu, j'en suis sûr, l'arcane initiale. Mais qui pourrait imaginer, jamais, par quelles circonstances, toute adventice et miraculeuse, il me fut donné de m'en rendre maître? Cela prouve que tout arrive à ceux qui cherchent. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, l'histoire que je vous ai contée en bas d'un certain Edward Anderson? Ce que vous me demandez n'est autre que la fin de cette histoire. La voici. Edison, s'étant recueilli un instant, reprit. Sous le coup de la triste mort et de la ruine de son mari, Mistress Anderson, se voyant dépossédée de sa maison, subitement, sans pain même, et vouée, avec ses deux enfants de 10 à 12 ans, à la très problématique charité de quelques banales connaissances commerciales, fut d'abord atteinte d'un mal qui la réduisit à l'inaction complète d'une de ses grandes névroses reconnues incurables, celle du sommeil. Je vous ai dit combien je tenais en estime la nature de cette femme, et, comprenez-moi, milord, son intelligence. J'eus donc le bonheur de songer à venir en aide à cette abandonnée, comme jadis vous vint à mon aide. Et, au nom de l'ancienne amitié que son malheur ne pouvait qu'augmenter en moi, je plaçai de mon mieux les deux enfants et pris des mesures pour que leur mère fût à l'abri de toute détresse. Un assez long temps se passa. Souvent, au cours de mes trop rares visites à cette malade, j'eus l'occasion de constater ces étranges et persistants accès de sommeil continus durant lesquels elle parlait et me répondait sans rouvrir les yeux. Il y a nombre d'exemples classés aujourd'hui de ces léthargiques somnolences où plusieurs sujets sont demeurés des trimestres entiers sans prendre aucune nourriture. À la longue, étant doué, je crois, d'une faculté d'attention assez intense, je finis par me préoccuper de guérir, s'il était possible, le mal singulier de Mistress Annie Anderson. Le Révald, à ce prénom souligné d'intonation par l'ingénieur, eut un mouvement de surprise. « Guérir ? » murmura-t-il. « Transfigurer plutôt, n'est-ce pas ? Peut-être, reprit Edison. Oh, je me suis aperçu l'autre soir, à votre maintien tranquille, devant Miss Alicia Clary, frappé en moins d'une heure de suggestions fixes, d'un effet d'hypnotisme catalectique. Oui, je me suis aperçu que vous étiez au fait de ces nouvelles expériences, tentées par les premiers d'entre nos praticiens à ce sujet. Elles ont démontré, vous le savez, que la science, à la fois ancienne et récente, du magnétisme humain, est une science positive, indiscutable, et qu'en un mot, la réalité de notre fluide nerveux n'est pas moins évidente que celle du fluide électrique. Eh bien, je ne sais comment l'idée me vint de recourir, en vue du seul soulagement que cette infortunée en pourrait ressentir, à l'action magnétique. Je prétendais combattre, par elle, ce mal d'invisible torpeur corporelle. Je me renseignais sur les plus sûres méthodes. Puis, j'essayais, non sans quelque patience, et persistais, tout simplement, presque chaque jour, pendant 2 mois environ. Soudainement, voici que d'abord, les phénomènes connus s'étant produits les uns après les autres, d'autres phénomènes, encore troubles à l'estime de la science, mais qui, demain, cesseront de le paraître, des crises de voyance mentale absolument énigmatiques se manifestèrent au plus profond de ces longs évanouissements. Alors, Mistress Annie Anderson devint mon secret. Grâce à l'état de torpeur vibrante, suraiguë, où se trouvait notre malade, cette aptitude qui m'est, d'ailleurs, naturelle à la projection de ma volonté, se développa vite jusqu'au degré le plus intense, peut-être, car je me sens, aujourd'hui, la faculté d'émettre à distance une somme d'influx nerveux suffisante pour exercer une domination presque sans limite sur certaines natures, et ceci en fort peu, non de jours, mais d'heures. J'en vins donc à établir un courant si subtil entre cette rare dormeuse et moi, qu'ayant pénétré d'une accumulation de fluide magnétique le métal congénère et fondu par moi de 2 bagues de fer, n'est-ce point du magisme pur? Il suffit à Mistress Anderson, à Sowana plutôt, de passer l'une d'elles à son doigt, si j'ai l'autre bague aussi à mon doigt, pour non seulement subir à l'instant même la transmission, vraiment occulte, de ma volonté, mais pour se trouver mentalement, fluidiquement et véritablement auprès de moi jusqu'à m'entendre et m'obéir, son corps endormi se trouva-t-il à 20 lieues. Sa main, tenant l'embouchure d'un téléphone, elle me répondra ici, par voie d'électricité, à ce que je me contenterai de prononcer tout bas. Que de fois nous avons causé, de la sorte, au mépris positif de l'espace, cette créature, ainsi spiritualisée, et moi. J'ai dit Sowana tout à l'heure. Vous n'oubliez pas sans doute que la plupart des grandes magnétisées finissent par se désigner à la troisième personne comme les petits-enfants. Elles se voient distantes de leurs organismes, de tout leur système sensoriel enfin. Pour se dégager davantage, en augmentant l'oubli de leur personnalité physique, sociale si vous le voulez, plusieurs d'entre elles, parvenues à l'état de voyance, ont la singulière coutume de se baptiser, je puis dire, d'un nom de songe qui leur vient on ne sait d'où, et dont elles veulent être appelées dans leur lumineux sommeil, au point de ne plus répondre qu'à ce pseudonyme d'outre-tombe. C'est ainsi qu'un jour, tout à coup, s'interrompant d'une phrase commencée, Mistress Anderson m'a dit, avec une simplicité d'intonation capable de déconcerter les moins superstitieux, ses seuls mots inoubliables. Ami, je me rappelle Annie Anderson, qui dort là-bas où vous êtes. Mais ici, je me souviens d'un moi qui se nomme, depuis bien longtemps, Sowana. Quelle assombrissante parole je devais entendre ce soir, murmura, comme à lui-même, le jeune lord, après une sorte de stupeur silencieuse. Oui, ce serait à croire que nous sommes sur la limite d'un champ d'expérience, confinant vraiment au fantastique, reprit Edison. Enfin, légitime ou frivole, ce vœu bizarre m'a paru mériter d'être satisfait, en sorte que, dans nos causeries lointaines, je n'interpelle plus Mistress Anderson que sous l'insolite dénomination qu'elle m'a notifiée. Et ceci, d'autant plus volontiers que l'être moral qui apparaît au Mistress Anderson à l'état de veille et celui qui m'apparaît dans la profondeur magnétique semble absolument différent. Au lieu de la femme très simple, si digne, si intelligente même, mais de vue, après tout fort limitée, que je connais en elle, voici qu'au souffle de ce sommeil, il s'en révèle une toute autre, multiple et inconnue. Voici que le vaste savoir d'éloquence étrange, l'idéalité pénétrante de cette endormie nommée Sowana, qui, au physique, est la même femme, sont choses logiquement inexplicables. Cette dualité n'est-elle pas un phénomène stupéfiant? Cependant, bien qu'à des degrés d'intensité moindres, ce phénomène est avéré, constaté, reconnu chez tous les sujets soumis à de sérieux magnétiseurs, et Sowana ne fait pas exception grâce à son genre tout particulier de névrose que, comme exemple d'anormale perfection de ce cas physiologique. Le moment est venu maintenant de vous apprendre, Milord, qu'après le trépas de la belle Evelyn Abal, l'artificielle fille, je crus devoir faire montre à Sowana des reliques burlesques apportées par moi de Philadelphie en manière de dépouille opime. En même temps, je lui communiquai l'esquisse, déjà très nette, de ma conception de Adali. Vous ne sauriez croire avec quelle joie sombre, nouvelle et comme vengeresse, elle accueillit et encouragea mon projet. Elle n'eut point de trêve que je ne me fusse mis à l'œuvre. Et je dus commencer, puis m'absorber en cette œuvre, à tel point que mes travaux sur les pouvoirs éclairants et les lampes sans nombre, que je devais achever pour l'humanité, en subir un retard de 2 années. Ce qui m'a fait perdre des millions, soit dit en souriant. Enfin, lorsque toutes les complexités de l'organisme de l'Andréide furent exécutées, je les assemblai dans leur unité transfigurante et lui présentai l'être d'apparition, la jeune armure inanimée. À cette vue, Sowana, comme en proie à je ne sais quelle exaltation concentrée, me demanda de lui en expliquer les plus secrets arcanes, afin, l'ayant étudiée en totalité, de pouvoir, à l'occasion, s'y incorporer elle-même et l'animer de son état surnaturel. Frappé de cette confuse idée, je disposais, en peu de temps, et avec toute l'ingéniosité dont je puis être capable, un système assez compliqué d'appareils, d'inducteurs absolument invisibles, de condensateurs tout nouveaux. J'y adjoignis un cylindre moteur exactement correspondant à celui des mouvements de Adali. Quand Sowana s'en fut tout à fait rendue maîtresse, elle m'envoya un jour, sans me prévenir, l'Andréide ici même, pendant que j'achevais un travail. Je vous déclare que l'ensemble de cette vision me causa le saisissement le plus terrible que j'ai ressenti dans ma vie. L'œuvre effrayait l'ouvrier. Que serait donc ce fantôme, une fois devenu le double d'une femme, pensais-je? Dès lors, toutes mes mesures furent calculées et minutieusement prises pour me trouver à moi-même, un jour, de tenter, pour quelque cœur intrépide, ce que nous avons réalisé. Car, il faut bien remarquer ceci, tout n'est point chimérique en cette créature. Et c'est bien un être inconnu, c'est bien l'idéal, c'est bien Adali, qui sous les voiles de l'électricité, en cette armure d'argent simulant l'humanité féminine, vous est apparu. Puisque, si je connais Mistress Anderson, je vous atteste que je ne connais pas Sowana. Lorevald tressaillit à cette parole grave de l'électricien. Celui-ci continua, pensif. Étendue à l'abri des feuillets ombreuses et des mille lueurs fleuries du souterrain, Sowana, les yeux fermés, perdue, hors de la pesanteur de tout organisme, s'incorporait, vision fluide, en Adali. En ses mains solitaires, comme en celles d'une morte, elle tenait les correspondances métalliques de l'Andréide. Elle marchait, en vérité, dans la marche de Adali, parlait en elle de cette voix si étrangement lointaine qui, durant son espèce de sommeil sacré, vibre sur ses lèvres. Et il me suffirait de redire, de lèvres aussi, mais en silence, tout ce que vous disiez pour que cet inconnu de nous deux, vous entendant par moi, répondit en ce fantôme. D'où parlait-elle? Où entendait-elle? Qui se trouvait-elle devenue? Qu'est-ce que ce fluide incontestable qui confère pareil au légendaire anneau de Gygès, l'ubiquité, l'invisibilité, la transfiguration intellectuelle? À qui avions-nous affaire, enfin? Question. Rappelez-vous le mouvement si naturel de Adali vers la réfraction photographique de la belle Alicia dans ce cadre, et en bas, celui vers l'appareil thermométrique propre à peser le calorique des rayons planétaires. L'explication, tout improvisée de cet appareil, la scène si singulière de la bourse, rappelez-vous la netteté avec laquelle Adali décrivait la toilette exacte de Miss Alicia Clary lisant sous la lampe la dépêche du premier soir dans le wagon. Savez-vous par quel subtil, par quel incroyable moyen ce fait de voyance extra-secrète a pu se produire? Voici, vous étiez imbu, pénétré, vous, du fluide nerveux de votre détestée et chère vivante. Or, à certains moments, si vous vous en rappelez, Adali vous a pris par la main pour vous conduire vers le hideux tiroir où reposent les restes de l'étoile théâtrale. Eh bien, le fluide nerveux de Soana se trouvait par l'intime transmission de l'autre fluide en communication avec le vôtre, grâce à cette pression de la main de Adali. À l'instant même, il s'envola sur ces invisibles réseaux demeurés, malgré la distance apparente, entre vous et votre belle maîtresse. Il s'en alla donc aboutir à leur centre effusif, c'est-à-dire à Miss Alicia Clary, dans le wagon qui la menait à Menlo Park. « Est-ce possible ?» songea alors Evald à voix basse. « Non, mais cela est, » répondit l'électricien. Tant d'autres choses, d'apparence impossible, se réalisent autour de nous, que celle-ci, de plus ou de moins, n'a pas le pouvoir de me surprendre outre mesure, attendu que je suis de ceux qui ne peuvent jamais oublier la quantité de néant qu'il a fallu pour créer l'univers. Oui, l'inquiétante songeuse, étendue sur des coussins, jetée sur une large planche de verre au support isolant, tenait le clavier d'induction dont les touches l'électrisaient doucement et entretenaient un courant entre elle et l'andréide. Et j'ajouterai qu'il est de telles affinités entre les deux fluides auxquels elles étaient soumises qu'il ne me semble pas très surprenant, surtout dans la situation ambiante où nous nous trouvions, que le phénomène d'extravoyance se soit accompli. Un instant, répondit le Révald. Certes, il est déjà fort admirable que l'électricité seule puisse aujourd'hui transmettre à des distances et des hauteurs sans limites bien précises, par exemple, toutes les forces motrices connues, à tel point que, si je dois en croire les rapports qui se publient de toutes parts, demain sans doute, elle fera rayonner sur 100 000 réseaux, dans les usines terrestres, l'aveugle, la formidable énergie, jusqu'à nos jours perdus, des cataractes, des torrents, que sais-je, du reflux même peut-être. Mais ce prestige est, à la rigueur, intelligible, étant donné les conducteurs palpables, magiques véhicules, en lesquels vibre la puissance du fluide. Tandis que le fait de translation semi-substantielle de ma pensée vive, comment l'admettre à distance, sans inducteur, si ténu qu'il puisse être? D'abord, répondit l'électricien, la distance, en vérité, n'est plus ici qu'une sorte d'illusion. Et puis, vous oubliez bon nombre de faits officiellement acquis depuis peu de temps à la science expérimentale. Savoir, par exemple, que non plus seulement le fluide nerveux d'un être vivant, mais la simple vertu de certaines substances se transmettent à distance dans l'organisme humain, sans injection, suggestion ni induction. Les faits suivants ne sont-ils pas avérés aux yeux des plus positifs médecins actuels? Voici tel nombre de flacons de cristal, hermétiquement scellés et enveloppés, contenant chacun telle drogue dont j'ignore le nom. Je me saisis au hasard de l'un d'entre eux. Je l'approche à 10 ou 12 centimètres de la base crânienne d'un hystérique, par exemple. En quelques minutes, voici que le sujet se convulse, vomit, éternue, clame ou s'endort, selon les vertus propres aux spécifiques présentées derrière sa tête à cette distance. Quoi ? Si c'est un acide mortel, ce malade offrira les symptômes pouvant entraîner son décès de l'intoxication par cet acide. Si c'est elle électuaire, il tombera dans une ponctuelle extase, revêtue constamment d'un précis caractère de religiosité, en des hallucinations toujours sacrées, fût-il le fidèle d'un culte différent de celui dont il éprouvera les mystiques visions. Si je tiens, par hasard, un chlorure, du chlorure d'or, voici que ce voisinage le brûle jusqu'à lui arracher des cris de souffrance. Où sont les conducteurs de ces phénomènes? Et devant ces incontestables faits qui pénétrèrent la science expérimentale d'une si légitime stupéfaction, pourquoi ne supposerais-je pas la possibilité d'un fluide nouveau, mixte, synthèse de l'électrique et du nerveux, tenant à la fois de celui qui fait mouvoir vers le pôle nord la pointe de toute aiguille aimantée, et de celui qui fascine l'oiseau placé sous le battement d'aile de l'épervier. Si, dans l'état de sursensibilité hystérique, une affinité inductrice peut ainsi relier l'organisme du malade aux propriétés intimes de ses substances et attirer leur vibrante influence à travers les pores de verre et du parchemin, comme l'aimant impressionne à travers le verre et les étoffes les molécules de fer, s'il est indiscutable enfin qu'une sorte d'obscur magnétisme se dégage même des choses végétales et minérales et peut franchir, sans inducteur, obstacles et distances, jusqu'à impressionner de leur vertu spéciale un être vivant, comment pourrais-je être surpris, outre mesure, qu'entre trois individus d'espèces congénères, mis en relation par un centre commun électromagnétisé, les fluides, en un certain instant, soient devenus corrélatifs au point que le phénomène en question se soit produit. Pour conclure, du moment où la sensibilité occulte de Soana n'est point réfractaire à l'action secrète du fluide magnétique, à une telle légère secousse, par exemple donnée ici-bas à Mistress Anderson, alors que dans l'état cataleptique, aucune autre influence du dehors ne parvient jusqu'à elle et qu'on pourrait brûler vive la seconde sans réveiller la première, je trouve démontré que le fluide nerveux n'est pas dans un état d'indifférence totale à l'égard du fluide électrique et que par conséquent, à tel ou tel degré, quelques-unes de leurs propriétés peuvent se fusionner en une synthèse d'une nature et d'un pouvoir inconnu. Celui qui, ayant découvert ce fluide nouveau, pourrait en disposer comme les deux autres, serait capable d'opérer des prodiges à confondre ceux des yogis de l'Inde, des bonzes tibétains, des fakirs charmeurs du Coromandel et des derviches de l'Égypte centrale. Lorévald répondit après un moment de songerie singulière. « Bien. Qu'il soit de toute intellectuelle convenance que je ne vois jamais Mistress Anderson. Soana me semble mériter d'être une amie, et, si en toute cette magie environnante, elle peut m'entendre, que ce vœu lui parvienne, où qu'elle soit. Mais une dernière question. Est-ce que les paroles que Adali tout à l'heure a prononcées dans votre parc furent dites et déclamées par Miss Alicia Clary ? Certes, répondit Edison, puisque vous avez dû reconnaître la voix et les mouvements de cette vivante. Celle-ci ne les a si merveilleusement récités, d'ailleurs, sans y rien comprendre, que sous la patiente et puissante suggestion de Soana. Lorévald, à cette réponse, demeura dans une suprême stupeur. Cette fois, en effet, l'explication ne portait plus. Le fait d'avoir prévu les différentes phases de cette scène et la voix attestée qu'elles avaient été prévues n'était plus concevable. Il allait donc simplement déclarer et prouver, à son tour, à l'ingénieur, la radicale et absolue impossibilité de ce fait, nonobstant toute solution. Mais, au moment de lui notifier cette évidence, il se rappela, tout à coup, l'étrange prière que Adali lui avait adressée, tout bas, avant de s'enfermer en l'obscurité de son artificiel cercueil. C'est pourquoi, gardant au secret de ses pensées la sensation de vertige qu'il éprouvait, il ne répliqua rien. Seulement, il jeta vers le cercueil un coup d'œil étrange. Il venait d'entreapercevoir très distinctement la présence d'un être d'outre-monde dans l'Andréide. Edison donc poursuivit sans prendre attention à ce regard. L'état de spiritualité constante et de souveraine clairvoyance où se réalise la vie réelle de Soana lui confère un pouvoir de suggestion des plus intenses, et surtout sur des sujets hypnotisés à demi déjà par moi. Les effets de sa volonté même sur leur intelligence sont immédiats. Ce n'est que soumise à la suprématie de cette influence que la comédienne, durant des jours entiers, récita patiemment, sur cette estrade et environnée de mes objectifs invisibles, chaque phrase des scènes que possède Adali et qui la personnalise. Et ceci jusqu'aux intonations, mouvements et regards désirés, lesquels étaient appelés, inspirés en cette belle innocente par Soana. Les fidèles poumons d'or de Adali n'enregistraient sous le doigt de l'inspiratrice que la parfaite nuance vocale, enfin proférée entre 20 autres quelquefois. Moi, le micromètre en main et ma plus forte loupe sous la paupière, je ne ciselais qu'au degré correspondant à leur instantanée photographie sur les aspérités du cylindre moteur de l'Andréide, les seuls ensembles parfaits des mouvements, unis au regard ainsi qu'aux expressions radieuses ou graves d'Alicia. Durant les 11 journées que ce travail a demandé, le reste physique du fantôme s'accomplissait, moins la poitrine, enfin, sur mes scrupuleuses indications. Voulez-vous voir les quelques douzaines de spéciales épreuves photochromiques sur lesquelles sont piqués les points, précis à des millièmes de millimètre près, où les grains de poudre métallique ont été disséminés en l'incarnation pour l'exacte émentalisation des 5 ou 6 sourires fondamentaux de Miss Alicia Clary? Je les ai là, dans ces cartons. L'expression de ces jeux de physionomie se nuance toute seule de la valeur des paroles, de même que jusqu'à 5 jeux de sourcils modifient les regards ordinaires de cette si intéressante jeune femme. Au fond, ce labeur, dont l'ensemble doit vous paraître si complexe et les détails d'un rendu si difficile, se réduit, sous l'analyse, l'attention, la persévérance, à si peu de choses que, sûr de mes formules générales, dû à quelque peu d'intégrale, et qui, seul, m'ont coûté de longues fatigues, tout ce curieux et minutieux travail de réfraction n'est ni ardu ni malaisé. Cela va tout seul. Au moment de forclure l'armure, il y a quelques jours, et d'appliquer peu à peu, d'abord par la poudre, puis couche par couche, l'illusionnelle carnation sur les 1000 6 capillaires inducteurs dont l'étincelant duvet métallique traversait les jours imperceptibles de cette armure, à ce moment, dis-je, Adali, perdue encore en ses limbes, avait répété, devant moi, d'une manière irréprochable, toutes les scènes qui constituent le mirage de son être mental. Mais aujourd'hui, toute la journée, tantôt ici même, tantôt dans le parc, la répétition définitive que j'ai contemplée entre elles, vêtue comme son modèle et Soana, m'a confondu. C'était l'humanité idéale, moins ce qui est innommable en nous, moins ce dont il est impossible, en ces instants-là, de contrôler l'absence en Adali. J'étais, je l'avoue, enthousiasmé comme un poète. Quelle parole de mélancolie, réalisant la volupté du rêve. Quelle voix, quelle profondeur pénétrante en ses yeux. Quel chant, quelle beauté de déesse oubliée. Quels enivrants lointains d'âme féminine. Quels appels inconnus vers un impossible amour. Soana, d'un frôlis de bague, transfigurait cette évocatrice de songes enchantés. Oui, ce sont bien, je vous l'ai dit, les premiers, parmi les plus lumineux esprits entre les grands poètes et les penseurs de ce siècle, qui ont écrit ces étonnantes et admirables scènes. Là-bas, lorsque vous l'éveillerez en votre vieux château, vous verrez, dès la première coupe d'eau pure et le premier festin de pastilles, vous verrez quel fantôme accompli vous apparaîtra. Dès que les usages et la présence de Adali vous seront devenus familiers, je vous dis que vous en deviendrez le sincère interlocuteur. Car si j'ai fourni physiquement ce qu'elle a de terrestre et d'illusoire, une âme qui m'est inconnue s'est superposée à mon œuvre et, s'y incorporant à jamais, a réglé, croyez-moi, les moindres détails de ces scènes effrayantes et douces avec un art si subtil qu'il passe, en vérité, l'imagination de l'homme. Un être d'outre-humanité s'est suggéré en cette nouvelle œuvre d'art où se centralise, irrévocable, un mystère inimaginé jusqu'à nous. Chapitre 14. L'adieu. L'heure triste où chacun de son côté s'en va. Victor Hugo, Ruy Blas. Ainsi, reprit Edison, l'œuvre est accomplie, et je puis conclure qu'elle n'est plus un vain simulacre. Une âme s'est donc surajoutée, disons-nous, à la voix, aux gestes, aux intonations, aux sourires, à la pâleur même de la vivante qui fut votre amour. Chez celle-ci, toutes ces choses n'étaient que mortes, résonneuses, décevantes, avilies. Sous leur voile se cache aujourd'hui la féminine entité à laquelle cet ensemble de beauté insolite appartenait peut-être, puisqu'elle s'est montrée digne de l'animer. Ainsi, celle que victima l'artificiel a donc racheté l'artificiel. Celle qui fut abandonnée, trahie pour l'amour dégradant et obscène, s'est grandie en une vision capable d'inspirer l'amour sublime. Celle que frappa, dans ses espérances, dans sa santé, dans sa fortune, le contre-coup d'un suicide, a détourné d'un autre le suicide. Prononcez maintenant, entre l'ombre et la réalité. Pensez-vous qu'une telle illusion puisse vous retenir en ce monde et vaille la peine de vivre? Pour toute réponse, Lorévalde se leva, puis, tirant d'un étui d'ivoire un admirable petit pistolet de poche et l'offrant à Edison. « Mon cher enchanteur, dit-il, permettez-moi de vous laisser un souvenir de toute cette radieuse aventure inouïe. Vous l'avez bien gagnée. Je vous rends les armes. » Edison se levant aussi, prit l'arme, en fit jouer la batterie pensivement, puis étendit le bras vers la nuit de la croisée ouverte. « Voici une balle que j'envoie donc au diable, s'il existe, et dans cette hypothèse, j'incline à penser qu'il est dans les environs. Ah ah, comme dans le Freischutz, murmura Lorévalde, qui ne put s'empêcher de sourire à cette boutade du grand électricien. Celui-ci fit feu sur l'obscurité. « Touché !» cria dans le parc une voix extraordinaire. « Qu'est-ce donc ? » demanda le jeune lord, un peu surpris. « Rien, c'est un de mes anciens phonographes qui s'amuse, » répondit Edison, continuant son énorme plaisanterie. « Je vous prive d'un chef-d'œuvre surhumain, » dit Lorévalde, après un moment. « Non, puisque j'ai la formule, » dit l'électricien, « mais je ne fabriquerai plus d'androïdes. Mes souterrains me serviront à me cacher pour y mûrir d'autres découvertes. » Et maintenant, Milord Conselian Evald, un verre de Jerez, et adieu. Vous avez choisi le monde des rêves, emportez-en l'incitatrice. Moi, le destin m'enchaîne aux pâles réalités. La caisse de voyage et le chariot sont prêts. Mes mécaniciens, bien armés, vous feront escorte jusqu'à New York, où le capitaine du transatlantique, le Wonderful, est prévenu. Nous nous verrons peut-être au château d'Attleworld. Écrivez-moi, vos mains. Adieu. Il y eut donc, entre Edison et Lorévalde, encore un dernier serrement de main. Une minute après, Lorévalde était à cheval, à côté du chariot, entouré des torches de son escouade redoutable. L'on se mit en marche, et bientôt, les étranges cavaliers disparurent, au loin, sur la route, vers la petite gare de Menlo Park. Demeuré seul, au centre du rayonnement de son pandémonium, Edison se dirigea, lentement, vers des tentures noires dont les longs plis retombaient devant quelque chose d'invisible. Arrivé auprès d'elle, il les fit glisser sur leurs anneaux. Étendue, toute vêtue de deuil, et sans doute endormie sur un vaste canapé de velours rouge, posé sur des disques de verre, une svelte femme, encore jeune, bien que sa belle chevelure noire se brillantât d'argent autour des tempes, apparut. Le visage, aux traits sévères et charmants, d'un ovale pur, exprimait une sorte de tranquillité surnaturelle. La main pendante sur le tapis tenait l'embouchure, entourée d'une espèce de masque rembourré de ouate, d'un électrophone. Si elle parlait, nul, fût-ce auprès d'elle, ne pouvait l'entendre. « Ah, Sowana, dit Edison, voici donc la première fois que la science aura prouvé qu'elle pouvait guérir l'homme, même de l'amour. » Comme la voyante ne répondait pas, l'électricien lui prit la main. La main, glacée, lui fit tressaillir. Il se pencha. Le pouls ne battait plus. Le cœur était immobile. Pendant de longues minutes, il multiplia, autour du front de l'endormi, les magnétiques passes du réveil. Vainement. Edison s'aperçut, au bout d'une heure d'anxiété et d'efforts de volition devenus stériles, que celle qui semblait dormir avait définitivement quitté le monde des humains. Chapitre 15. Fatum. Sic faya voluer. Paroles augurales. Environ 3 semaines après ces événements, Monsieur Edison, n'ayant reçu ni lettre ni dépêche de Lord Evald, commençait à s'inquiéter de ce silence. L'un des soirs suivants, vers les 9 heures, étant seul dans le laboratoire, l'ingénieur, en parcourant, assis auprès d'une lampe, l'une des principales gazettes américaines, tomba sur les lignes suivantes qui attirèrent son attention et qu'il lut 2 fois avec une profonde stupeur. Lloyd Dispatch, Nouvelle Maritime. La perte du steamer The Wonderful que nous avons annoncé hier vient de se confirmer et nous recevons sur ce sinistre les tristes détails suivants. Le feu s'est déclaré à l'arrière, sur les 2 heures du matin, dans les compartiments des marchandises où des barils d'essence minérale et de spiritueux, enflammés par une cause inconnue, ont éclaté. La mer était grosse et, comme le steamer tanguait assez durement, la nappe de flammes en un instant pénétra dans le compartiment des bagages. Un fort vent d'ouest activa l'incendie de telle sorte que l'embrasement apparut en même temps que la fumée. En 1 minute, les 300 passagers éveillés en sursaut encombraient le pont, éperdus devant l'inévitable péril. Là, des scènes horribles se passèrent. Devant la fournaise qui crépitait et s'avançait, les femmes, les enfants poussaient de grands et désespérés cris d'épouvante. Le capitaine, ayant déclaré que l'on sombrerait dans les 5 minutes, on se précipita vers les chaloupes mises à flot en quelques secondes. Les femmes, les enfants furent embarqués d'abord. Pendant ces scènes d'horreur, un incident étrange se produisit dans l'entrepont. Un jeune Anglais, Lord E, s'étant saisi d'une barre d'écoutille, voulait pénétrer de force au milieu des flammes parmi les caisses et colis en combustion. Ayant terrassé le lieutenant et l'un des contremaîtres qui le voulaient saisir, il ne fallait rien moins qu'une 30 de matelots se ruant vers lui pour l'empêcher, dans l'état forcené où il paraissait être, de se jeter au milieu de l'incendie. Tout en se débattant, il déclarait vouloir sauver, à tout prix, du feu devenu terrible, une caisse renfermant un objet si précieux qu'il offrait l'énorme somme de 100 000 guinées à qui l'aiderait à l'arracher au sinistre. Chose d'ailleurs impossible et qui eût été inutile, les embarcations étant à peine suffisantes pour les passagers et l'équipage. L'on fut contraint de le lier, non sans peine, à cause de l'extraordinaire vigueur dont il faisait preuve, et de l'emporter, évanoui dans le dernier canot, dont les passagers furent recueillis par l'aviso français, le redoutable, sur les 6 heures du matin. La première chaloupe de sauvetage, surchargée de femmes et d'enfants, a chaviré. L'on évalue à 72 le nombre des noyés. Voici quelques-uns des noms de ces malheureuses victimes. Suivait une liste officielle, dans les premiers noms de laquelle figurait celui de Miss Emma Alicia Clary, artiste lyrique. Edison jeta le journal violemment. 5 minutes se passèrent sans qu'une parole traduisît sa sombre songerie. D'un mouvement de la main sur un bouton de cristal, il éteignit les lampes. Puis, il se mit à faire les 100 pas dans l'obscurité. Soudain, le coup de timbre du télégraphe sonna. L'électricien fit luire la veilleuse auprès de son appareil morse. 3 secondes après, se saisissant de la dépêche, il lut les paroles suivantes. Liverpool pour Menlo Park, New Jersey, États-Unis, 17-2-8-40, Edison, ingénieur. Ami, c'est de Adali seul que je suis inconsolable, et je ne prends le deuil que de cette ombre. Adieu, Lord Evald. À cette lecture, le grand inventeur se laissa tomber sur un siège auprès de l'appareil. Ses regards distraits rencontrèrent, non loin de lui, la table d'ébène. Une clarté lunaire pâlissait encore le bras charmant, la main blanche aux bagues enchantées. Et, songeur attristé, se perdant en des impressions inconnues, ses yeux s'étant reportés au dehors, sur la nuit, par la croisée ouverte, il écouta, pendant quelque temps, l'indifférent vent de l'hiver qui entrechoquait les branches noires. Puis, son regard s'étant levé, enfin, vers les vieilles sphères lumineuses qui brûlaient, impassibles, entre les lourds nuages, et sillonnaient à l'infini l'inconcevable mystère des cieux, il frissonna, de froid sans doute, en silence. Fin de la section 13. Enregistré par Isaad, quelque part en France. Fin de L'Ève future par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam.